Guy et Sylvain sont sortis silencieusement du laboratoire des frères Fonerche, enrichis par tout ce qu'ils venaient de voir et d'entendre en ce qui concerne le Schmilblick. Les heures s'écoulaient trop rapides au gré de Guy et de Sylvain. Tout le monde, à autre lieu, s'ingéniait à leur rendre la vie agréable et leur faciliter leurs tâches. Ce qui fait que, en résumé, ils nageaient positivement dans le faux plat. Pardon, dans l'euphorie, veux-je dire, jusqu'au soir. Ce soir-là, les deux amis avaient dîné en tête-à-tête avec le gouverneur. Madame Lehian, accompagnée de sa fille Betsabée, était allée en ville montrer son derrière à des amis qui ne l'avaient pas vue depuis longtemps. Rien de tel, disait-elle, pour entretenir l'amitié. La soirée languissait. Alexandre Lehian, si plein de dynamisme à l'ordinaire, semblait abattu. Son front était soucieux et des rides profondes trahissaient le débat intérieur qui l'agitait. Guy et Sylvain, n'osant troubler sa méditation, se tenaient respectivement quoi? C'est-à-dire que la conversation était réduite à sa plus simple expression. Ça en devenait gênant. Au bout d'un long moment, Guy, prenant son courage à deux mains, crut bon de dire « Drôle de temps ce soir !» Seul, le silence lui répondit. Un autre long moment s'écoula encore, sans qu'un seul mot fût prononcé. À la fin, s'enhardissant, Sylvain sortit de son mutisme. « Quelque chose qui ne va pas, Excellence ?» Le gouverneur eut comme un sursaut. « Oui et non, » répondit-il. « Comment ça, oui et non ?» Mais bons amis, excusez-moi, je suis ce soir dans un état que je ne m'explique pas et que néanmoins je cherche à m'expliquer. Des tracas, Excellence? Non, pas exactement, c'est, comment dirais-je, plutôt une sorte de pressentiment, de préscience. Oui, c'est ça, de préscience. De préscience de quoi? Eh, mes bons amis, voilà justement ce que j'essaye de déterminer. Voyons, vous allez m'aider. Vous êtes, du fait de votre mission de reportage, en contact permanent avec la population. Or, depuis quelques jours, n'avez-vous point remarqué quelques changements dans le comportement de mes concitoyens? Si fait, Excellence, répondit Guy. Sylvain et moi avons constaté que les gens étaient moins gais, moins souriants, devenaient nerveux, sursautaient au moindre bruit, bref, donnaient tous les signes d'une inquiétude et d'une fébrilité très nettement anormales. C'est bien ce que je pensais, ou plutôt, c'est bien ce que je pense. Nous sommes à notre tour comme les autres victimes. Victimes, monsieur le gouverneur, s'étonna Sylvain, mais victimes de quoi ou de qui? Victime de la psychose. Oui, ne vous récriez pas. Vous savez comme moi que plus ça va, plus le monde est en proie à ce phénomène psychique désastreux, ce phénomène générateur d'angoisse, de peur, d'anxiété. À la vérité, actuellement, le monde entier a peur. Mais, et tout naturellement, malgré qu'autre lieu soit du côté d'ailleurs, où nous n'avons pu empêcher cette abominable psychose de s'infiltrer chez nous et de ronger le moral de la population. Voilà tout bêtement l'explication de l'attitude des gens. Psychose, et oui. Psychose. Mais enfin, dit Guy, qu'avez-vous à craindre à votre lieu? Absolument rien. Nous ne cherchons de noise à personne et nul ne cherche à nous créer le moindre ennui. Alors, quand la psychose s'y met, la raison perd ses droits et les gens tout contrôlent. Il va falloir aviser avant qu'il ne soit trop tard. Croyez-moi, mes enfants, avec la psychose, tout est à craindre, tout est à redouter. Quelle date est-ce aujourd'hui? Le 9, Excellence. Le 9. Le 9. Et il est 23 heures. Exactement, Excellence. Ça vient de sonner 15 coups au carillon du beffroi de la biscuiterie municipale. C'est juste. Le sonneur est complètement sonné. Il faudra que je donne des ordres pour le faire interner. En somme, dans 1 heure et 1 minute, ce sera le 10. Oui, Excellence. Alors, dit gravement Alexandre Lehian en se levant, mes enfants, prions pour que tout se passe bien. Que voulez-vous dire, Excellence, dit Guy. Rien de plus que ce que je peux penser. Allons. Assez divagué. Vous êtes fatigué. Un peu de grippe, peut-être. Allons nous coucher et oubliez tout ce que je vous ai dit. Allez, mes amis. Bonne nuit. Et à demain. Et, comme écrasé par le poids d'un invisible fardeau, mon Excellence Alexandre Lehian, gouverneur d'autre lieu, sortit de la pièce en murmurant « Psychose, psychose, psychose. Psychose toujours, tu m'intéresses, plaisanta Guy. » Mais sa plaisanterie sonnait faux. Les deux amis silencieusement regagnèrent leur appartement plus troublé qu'ils ne voulaient le paraître. Ils discutèrent en faisant leur toilette nocturne de choses insignifiantes et se couchèrent. « Bonne nuit, vieux, » dit Guy. « Bonne nuit, vieux, » dit Sylvain. Et une fois la lumière éteinte, « Guy, » appela Sylvain. « Quoi, vieux? Tu ne trouves pas que tout ça est bien étrange? Quoi, vieux? Ben, les choses dont vient de parler le gouverneur. Oui, ce sont des choses bien étranges, comme tu dis. D'étranges choses, en vérité. Oui, en vérité, de bien étranges choses. Peut-être encore plus choses qu'étranges. Peut-être, en effet. En vérité, oui, il s'endormit. Et c'est alors à suivre avec inquiétude et appréhension. Résumé des chapitres précédents. Guy et Sylvain, après leur dîner avec le gouverneur, se sont couchés dans leur lit d'une part et dans un étrange climat de l'autre. Le temps passait, sans s'arrêter, car il n'en a pas le temps de s'arrêter. Passait lentement mais sûrement, à la cadence standard de 60 secondes à la minute, ce qui est la cadence officielle de la marche du temps, depuis tout au moins que les hommes en ont ainsi décidé. Car ce sont les hommes qui ont divisé le temps. Pas étonnant alors que le temps divise les hommes. Bref, le temps passait. Les 12 coups de minuit venaient de sonner un peu partout aux horloges de la ville, sauf au carillon du beffroi de la biscuiterie municipale, dont le sonneur complètement sonné, comme il a été dit, venait de se mettre en grève. Tout était calme, très calme, trop calme, beaucoup trop calme. Un calme précurseur, en quelque sorte. Précurseur de quoi? Mystère. Mais en tout cas, pas précurseur de charité. Dans les rues, personne. À part, peut-être, et encore, non, même pas ça. Alors quoi? Alors il se passait qu'il ne se passait rien. Et que c'était parce que rien ne se passait qu'on sentait confusément qu'il allait se passer quelque chose. Un homme entre deux âges et manifestement entre deux vins s'immobilisa soudain au bord d'un trottoir, traversait la chaussée, fit demi-tour, la retraversa et rejoignit son point de départ sur le trottoir qu'il venait de quitter. En foi de quoi, il se crut autorisé à prononcer ces paroles lourdes de sens. On dira ce qu'on voudra, mais Copernic avait raison quand il affirmait que pour le piéton, le trottoir d'en face est toujours, par principe et définition, celui qui est situé du côté opposé à celui sur lequel il se trouve. Et l'homme, ayant dit, s'enfonça d'une part dans l'ombre et de l'autre les doigts dans la bouche car il se sentait tout barbouillé. Le calme reprit son cours et devint si possible encore plus absolu. Au loin, très loin, beaucoup trop loin pour qu'on puisse les voir puisque c'était du côté de l'Atlas que ça se passait, les éclairs d'une aveuglante fulgurance zébraient le ciel africain. C'est alors que le silence fit son apparition. Un silence terrible, effrayant, total, un silence inhumain, minéral en quelque sorte. Un silence qui vint s'ajouter au calme. Et c'est cette conjonction du calme et du silence que naquit tout d'abord l'angoisse et ensuite la peur, la grande peur de la nuit du 10. Deux gardiens de la paix venant d'une rue parallèle à une autre s'interpellèrent. « Dis donc, fit l'un. Quoi ?» dit l'autre. « Tu ne sens rien ?»« Si. Quoi ? Rien. Bizarre. Oui. Et bien étrange. » Et les deux agents, après s'être passé le corps et le visage à la gomme nigrivorine, s'effacèrent dans l'obscurité. Dans les maisons blotties au creux de leur couche, les gens se parlaient à voix basse. « Louis. Quoi ? Tu dors ? Oui. Et toi ? Moi aussi. Qu'est-ce qui se passe ? Rien. C'est louche. » Dans d'autres maisons, dans 10 autres, dans 100 autres, dans des milliers d'autres maisons, les dialogues analogues s'échangeaient. « Alors quoi ? Alors rien ? Mais enfin, que se passe-t-il ? Mais rien ? Mais rien ! Et tout à coup, comme une chaudière surcompressée, la panique éclata. Des volets claquèrent, des fenêtres s'ouvrirent, brusquement, des vitres se brisèrent et volèrent en éclats. Des gens en chemise, en pyjama se ruèrent dans la rue, ivres d'angoisse, fous de terreur, courant dans tous les sens, les traits révulsés, se cognant, se renversant, se piétinant, tous étreints par une peur mortelle, affreuse, effroyable, et d'autant plus atroce qu'ils ne savaient pas pourquoi ils avaient peur. Des scènes de carnage se déroulaient, des actes d'anthropophagie se produisirent, des actes notariés furent jetés à l'égout, des femmes furent violées, des militaires sodomisés, des magasins pillés, des banques mises à sac, des incendies s'allumèrent un peu partout et, dans une brasserie, le feu prit dans la pompe à bière. Ce fut une mêlée indescriptible, un concert de cris sauvages, de plaintes déchirantes et de hurlements sans nom. Et puis, tout à coup, en une fraction de seconde, tout s'arrêta. D'une boutique de bois et charbon s'éleva le chant du coq, suivi bientôt par celui de l'anthracite belge et de la tête de moineau. Les gens essoufflés, échevelés, déchirés, harassés, hagards, s'entre-regardèrent et s'interpellèrent. « Mais enfin quoi ? Qu'est-ce qu'on a fait là ? Qu'est-ce qui nous a pris ? Qu'est-il arrivé ? Que s'est-il passé ? Mais rien ! Il n'y a rien ! Rien ! Absolument rien ! Absolument rien ! Bon, alors, rentrons chez nous. Alors, bonsoir. Bonsoir. » Les bruits du matin dispersaient le calme et le silence, cause de tout le mal. Bientôt, tout rentra dans l'ordre et le cauchemar fut emporté comme poussière au vent. Quelques heures plus tard, son Excellence Alexandre Leyan, entouré des membres de son conseil privé, résumait magistralement la situation. Autre lieu, messieurs, a piqué sa crise de psychose et s'en est bien tiré avec le minimum de dégâts. Nul doute que la purge aurait été salutaire. À présent, la population est vaccinée et tout porte à croire que pareil dérèglement ne se reproduira plus. Nous y veillerons. Allez, messieurs, il n'y a plus de psychose en notre bonne ville. Effectivement, et comme s'il ne s'était jamais rien passé, la vie reprit son cours normal. Nul, d'ailleurs, ne songeait à évoquer les événements de cette nuit infernale qui, rapidement, s'estompèrent dans les esprits pour ne plus être bientôt qu'un vague souvenir sans consistance. À suivre avec apaisement et soulagement. Guy et Sylvain, après les heures agitées qu'ils viennent de passer, ont tout de même fini par sombrer dans un sommeil aussi lourd qu'il peut l'être quand il n'est pas léger. Guy et Sylvain s'éveillèrent tard. Comme tous les autres habitants d'autres lieux, leur sommeil avait été passablement troublé par les événements que l'on sait, et les émotions par lesquelles ils étaient passés au cours de cette fameuse nuit du 10 les avaient complètement éreintés. Un copieux breakfast, composé de thé à la semoule, de haricots rouges en gelée, de hareng au grand marnier et de toast à la levure, les réconforta partiellement. Et Léon la migraine fit son entrée. Quelle nuit, s'écria-t-il en se laissant tomber dans un fauteuil. Il avait l'air positivement crevé. Ses traits étaient tirés à quatre épingles, il est vrai. Et deux cernes violets marquaient ses yeux jusqu'au milieu du visage. « Alors, Guy, vous aussi, vous avez participé à la psychose panic party ?»« du tout, protesta Léon. Quand je me suis aperçu de l'hystérie collective qui s'emparait de la population, j'ai filé au club. »« Au club ? Quel club ?» dit Sylvain. « Ben, à mon club, le CDO. »« Le CDO ? Qu'est-ce que c'est, le CDO ?»« Ben, le club des analystes. »« Le club des... » Ah oui, parce qu'il y a un club où nous nous réunissons trois fois par semaine et au sein duquel nous avons formé le STSC. La STSC, oui, la Société des Transports Solitaires en Commun. Eh ben, mon goret, s'indigna Guy, c'est du propre, bien Sylvain. Quoi, c'est du propre, protesta Léo. Le CDO est un club, tout ce qu'il y a de plus sélect, un cercle extrêmement fermé et qui n'est fréquenté que par une élite sévèrement triée sur le volet. Au CDO, messieurs, on est entre gens du monde. Sûr, ricana Guy, mais de quel monde ? Léon ne releva pas le trait. Son état d'ailleurs ne lui permettait pas de relever quoi que ce soit. « Eh bien, combien êtes-vous dans ce CDO ?» demanda Guy à titre purement indicatif. « 60aine de membres, c'est vraiment le cas de le dire. Et alors, qu'est-ce que vous foutez dans ces réunions intimes ?»« Eh bien, on forme le cercle, le président prend place au centre, donne le signal du départ et on... »« Oui, ça va, interrompit Sylvain, on a compris. Inutile de nous faire un croquis. Eh bien, ça doit être du joli. Et pourquoi non ? Autant que ça se passe en musique. » Ah, ça, c'est... Oui, monsieur, parfaitement, musique et en musique classique, s'il vous plaît. Et c'est le président qui, en battant la mesure, rythme la cadence. Lento, quasi recitativo, d'abord, puis progressivement, andante con moto, sempre legato espressivo, più lento, allegretto. À ce moment, tout le monde freine et s'arrête pile. Et le président exécute alors un solo sur l'air du carnaval de Venise. C'est vraiment un très beau moment, une belle expression d'art. Le solo terminé est toujours sur signe. L'ensemble reprend et attaque les mouvements du scherzo. Allegro, animato, allegro, risoluto, allegro, vivace, sempre staccato, presto, prestissimo pour arriver à la finale et à la conclusion sur le motif terminal du vol du Bourdon. Si ce n'est pas malheureux, j'ai mis Sylvain. En jugé par votre mine défaite, dit Guy, ça a dû être un véritable récital. Pas précisément, mais les événements exceptionnels de la nuit dernière nous avaient mis dans un tel état de surexcitation qu'on s'en est payé deux tournées supplémentaires. « Et vous racontez ça comme ça, gronda Guy, cyniquement, comme s'il s'agissait d'une simple partie de bridge. Je ne comprends pas votre indignation. Votre club est un club sérieux, tout ce qu'il y a de plus honorable, dont tous les adhérents sont gens de qualité, tous y passent sur le mode courtois, à l'exclusion de tout propos grossier ou grivois, et le moindre geste déplacé, la moindre parole équivoque, expose celui qui s'en rendrait coupable aux sanctions les plus graves, allant du simple blâme et le rappel à l'ordre jusqu'à l'expulsion infamante et définitive. Enfin, soupira Sylvain, admettons, et n'oublions pas que nous sommes du côté d'ailleurs. » Ça me paraît quand même dépasser les bornes permises, dit Guy. Et la police ne dit rien ? Et pourquoi dirait-elle quelque chose ? Notre club est légalement constitué, officiellement reconnu, et nos statuts ont été régulièrement déposés conformément à la loi. Et, dit Sylvain, le gouverneur est au courant ? Naturellement. Il en fait partie depuis longtemps et en a été pendant de longs mois un des membres les plus actifs. Maintenant, en raison de son âge, il n'est plus que membre honoraire. Croyez-moi, vous avez grandement tort de vous hérisser. Et parlez-vous à mes amis, ils seraient heureux de vous accueillir en ces soirs. Écoutez, mon vieux Diggy, hein, faites ce que vous voulez, ça vous regarde. Mais à notre égard, pas de prosélytisme, hein. Nous, on n'est pas dans la course. Nous en reparlerons, d'autant plus que, et ça vous intéresse en tant que reporter, nous allons très probablement nous transformer prochainement en parti politique. À suivre, à la trace et à la lettre. Résumé des chapitres précédents. Léon Lamigraine vient d'informer Guy et Sylvain de l'intention qu'a le CDO, ou Club des Analystes, dont il est l'un des membres les plus actifs, de se transformer en parti politique. En parti politique, firent les deux amis. Oui, et qui prendra le titre de MOI, moi, ou Mouvement Onaniste Indépendant, car nous ne voulons être inféodés à qui que ce soit. Le MOI, ou moi, sera libre ou ne sera pas. Oh, certes, notre idéal est ambitieux et plane très haut, au-dessus des sordides querelles de clochers, des marchandages, des clans, des factions, des... En somme, Diggy, vous êtes au-dessus des partis. Exactement. Et notre position déjà forte se consolide de jour en jour. Nous avons notre rôle à tenir dans la conduite des affaires de ce pays. Nous sommes prêts à le jouer. Guy et Sylvain esquissèrent un geste. Oui, oui, je sais, enchaîna Léon, de plus en plus emphatique et déclamatoire. Je préviens votre objection. Nous ne sommes pour l'instant qu'une poignée de fanatiques. Une simple minorité, oui, une simple minorité, mais minorité redoutable, parce qu'agissante, et dont les effectifs sont appelés à grossir dans un très proche avenir. Et Léon Lamigraine, comme saisi d'une extase sacrée, se déchaîna littéralement. Oui, mes amis, finis les pensifs poussiéreux et périmés, les vieilles formules caduques, démodées, les séniles étiquettes, radicalisme, socialisme, progressisme, capitalisme, n'appartiennent plus déjà qu'à un passé révolu. Qu'on le veuille ou non, l'onanisme générateur de tous les espoirs est la formule de demain. Et que l'on ne s'y trompe pas, l'onanisme, à l'encontre de ce qu'en disent les ignares et les contempteurs de mauvaise foi, n'est ni un vice ni une déformation. L'onanisme est une doctrine, notre doctrine, et non seulement une doctrine, mais un dogme. Oui, messieurs, un dogme. Nous savons par expérience ce que c'est qu'aller de l'avant, et nous en avons la pratique. Et c'est moi qui vous le dis, le temps n'est pas loin où, de par le vaste monde, tous les hommes de bonne volonté se dresseront dans un même élan au cri mille fois répété de l'onanisme avec nous. Oui, nous lutterons pied à pied et bout à bout, envers et contre tout jusqu'à la victoire finale. Et, renouvelant à toutes fins utiles le geste auguste du sommeur, nous répandrons partout la bonne parole et la bonne graine pour le triomphe de notre juste cause. Et pour que, dans une radieuse et lumineuse apothéose, l'onanisme, reconnu d'utilité publique, soit mis enfin à la portée de toutes les mains. Épuisé, hors d'haleine, mais le front serein, Léon Lamigraine, ayant dit, se rassit. Un silence un peu gêné succéda à cette ardente profession de foi. Sylvain prit la décision de le rompre. À propos de politique, enchaîna-t-il habilement, et pas fâché de porter la conversation sur un terrain moins scabreux, vous allez, mon cher Léon, vous aider à combler une lacune. Nous voudrions, Guy et moi, avoir quelques tuyaux sur la structure de votre pays. Ou quel régime vivez-vous à autre lieu? Est-ce une république, une confédération, une monarchie constitutionnelle, une autocratie, une dictature? À vrai dire, répondit Léon Lamigraine qui reprenait lentement ses esprits, ce n'est rien de tout ça. En même temps, c'est un peu de tout ça. Ouais, je avoue à Diggy, qui ne voyait rien du tout. Et vous avez le suffrage universel à autre lieu? Pas exactement. Ce serait plutôt une sorte de double suffrage universel restreint et proportionnel. Bon. Mais naturellement, vous avez une chambre des députés. Non, nous avons une chambre des électeurs. Une chambre des électeurs? Oui. Et voilà comment on procède. La chambre des électeurs se compose de 25 membres élus au suffrage universel. Bien, Diggy. Et que font ces 25 membres une fois élus? Eh bien, ils sont chargés d'élire à leur tour tous les citoyens qui seront habilités et désignés pour élire le gouverneur. Ah! Et combien de citoyens élisent-ils? Ben, ça varie entre 2 et 3 millions. En somme, le peuple élit des représentants qui élisent à leur tour tous ceux qui doivent élire leur gouverneur. C'est exactement ça. Mais dites, ça doit être un boulot considérable pour les 25 membres de la Chambre des électeurs. Oh, pas tellement. Vous savez, peut-être que les habitants du territoire d'Outre-Allier n'ont pas de désignation particulière, à part quelques exceptions. Ah oui, interrompit Guy, avant notre départ, notre ami Clovis du Tilleul, demain à 8 heures, nous a dit qu'on les appelait simplement par leur nom, par entail ou par ordre alphabétique. C'est ça. Eh bien, les 25 pour élire le corps électoral, chargé d'élire le gouverneur, procèdent de la même façon. Je ne comprends pas très bien, dit Guy. Moi non plus, dit Léon. Eux non plus, d'ailleurs. Et en définitive, personne n'y comprend pas grand-chose. Mais ça marche très bien comme ça. Et c'est l'essentiel. Car en somme, il vaut mieux ne pas comprendre ce qui va bien que comprendre ce qui va de travers. Excellente formule, approuva Sylvain. C'est la sagesse même, renchérit Guy. Et quelles sont les fonctions du gouverneur? À suivre, occurrement et conjoncturalement. Résumé des chapitres précédents. Guy Lanneuf vient de demander à Léon la migraine en quoi consistent exactement les fonctions du gouverneur. Le gouverneur, dit Léon, est à la fois chef de l'État et président du Conseil. Il en cumule les prérogatives. Le système est excellent et évite les crises ministérielles. Oui, je comprends, dit Sylvain. Mais si un ou plusieurs ministres ne font pas l'affaire, comment procède-t-il le gouverneur? Eh bien, il les vire, il en prend d'autres. Bien. Mais comment alors s'opère le recrutement ministériel? Par le truchement des petites annonces ou par l'intermédiaire du bureau de placement? Du bureau de placement? Vous foutez de nous, Léon? Pas du tout. Nous avons à autre lieu un bureau de placement politique. Et j'ai auprès de croire que ça donne d'excellents résultats. Ça, alors? Comme pour les gens de maison, en somme. Exactement. Ainsi, par exemple, si son Excellence a besoin d'un ministre des Finances, comme le cas s'en est récemment présenté, il alerte le directeur du bureau de placement. Celui-ci consulte ses fiches, voit ce qu'il a comme demande, et s'il estime qu'un postulant présente des qualités requises, il le fait embaucher, après vérification, naturellement, de ses certificats et de ses références. Est astucieux, Coligui. Et vous n'avez jamais de mécompte? Très rarement. L'année dernière, pourtant, il y a eu une histoire. Un type qu'on avait engagé comme ministre des PTT. Il avait présenté un faux certificat, fort bien limité, d'ailleurs, établissant qu'il avait servi en qualité de secrétaire d'État à la santé publique pendant 1 an et demi à Paris, qu'on n'avait eu qu'à se louer de ses services et qu'il était parti libre de tout engagement. Renseignement pris, c'était un ancien catcheur que la Fédération de lutte avait disqualifié jusqu'à la 3e génération pour irrégularité répétée et qui n'avait jamais eu le moins de contact avec les milieux politiques. Et naturellement, dit Sylvain, on l'a vidé avec perte et fracas. Ben, pas du tout. Il remplissait admirablement les devoirs de sa charge. Il est maintenant aux affaires étrangères. Reconnaissez-vous maintenant que le système a du bon? Ça se défend, dit Guy prudemment. Voyons, n'est-ce pas mieux ainsi? Pas d'histoire, pas de chambardement, pas de tractation plus ou moins louche, pas de recherche de majorité, de rechange, pas de combinaison plus ou moins sordide, pas de compromission, croyez-moi, mes amis. Ça, c'est de la démocratie et de la vraie. Ça se défend, répéta Guy, bien décidé à ne pas se compromettre davantage. Sylvain fit un geste pour réclamer le silence, ce qui fut facile puisque les autres ne disaient plus rien. Qu'est-ce qu'on entend, dit-il? Guy et Léon prêtèrent l'oreille. Effectivement, les échos d'une rumeur qui allait en augmentant de seconde en seconde parvenaient jusqu'à eux. Ils allèrent à la fenêtre, l'ouvrirent et regardèrent. Des jeunes gens et des jeunes filles, coiffées de berets, couraient et semblaient se diriger vers un point précis. Des quarts de police, lentement, prenaient le même chemin. Des coups de sifflet retentissaient. Des badauds et des curieux s'arrêtaient pour regarder ce spectacle. Bref, la rue était en effervescence et un grand concours de peuple donnait à tout le quartier une animation inaccoutumée. « Ah !» s'écria Léon la migraine, « je vois ce que c'est. La brigade des masseurs de foule va entrer en action. » Guy et Sylvain ouvrirent de grands yeux. « La brigade des masseurs de foule » firent-ils, le sourcil interrogateur. « Qu'est-ce que c'est que ça ?»« Ah, c'est vrai, vous n'êtes pas au courant, » dit Léon. « Je vais vous expliquer. La brigade des masseurs de foule est une création de son Excellence Alexandre Le Hian et mise au point par la préfecture de police en collaboration avec le ministère de la Santé publique. » « Nous ne saisissons pas très bien, » dit Sylvain. « Vous allez comprendre. Vous connaissez l'instinct grégaire du public, son esprit d'indiscipline et son comportement frondeur. »« Bien sûr, » dit Guy. « Eh bien, la brigade des masseurs de foule a été instituée pour le maintien de l'ordre et de la circulation, ainsi que pour la santé morale et physique des manifestants sur la voie publique. »« Nous ne... » dit Sylvain. « Laissez-moi terminer. » »« Or, son Excellence a estimé, avec sa sagesse et son discernement coutumier, qu'il était inadmissible, en même temps que dangereux et maladroit, de laisser une foule se masser elle-même, soit sur le parcours d'un cortège, soit à l'occasion d'une quelconque manifestation. La foule, a-t-il dit, ne doit plus se masser elle-même, mais bien être massée, avec ordre, technique et méthode, par des spécialistes avertis et familiarisés avec l'anatomie humaine. Et c'est ainsi que fut créée la brigade des masseurs de foule. Pas bête, dit Guy. Très ingénieux, dit Sylvain. Et qu'est-ce qui motive aujourd'hui l'intervention de la brigade des masseurs de foule? Une manifestation d'étudiants, je crois, dans le quartier des facultés. À suivre judicieusement et à bon escient.